Le voyage de Gigi. Gigi regarde par la fenêtre. Elle voit des chèvres dans son potager. Gigi sort. Partez, crie-t-elle. Vous êtes dans mon potager. Gigi entre dans sa maison. Elle voit des poules dans sa cuisine. Elle voit des canards dans son bain et des dindons dans son lit. Gigi est très fâchée. Je m'en vais, dit-elle. Je quitte cette ferme. Je m'en vais en ville. Gigi arrive en ville. Les voitures vont vite. Les autobus et les motos vont vite. « À l'aide, dit-elle, je ne peux pas traverser la rue. » Gigi marche sur le trottoir. « Il y a beaucoup de monde. Je ne peux pas voir les magasins. Je ne peux pas voir où je vais, dit-elle. » Gigi s'assoit sur un banc. Elle regarde les gens et les voitures. Les autobus et les motos vont vite. « Je ne peux pas rester ici en ville, » dit Gigi. Gigi revient à la ferme. « Je suis revenue, » crie-t-elle. Les animaux lui répondent. « Me bé, coin, coin, côte, côte, glou, glou. »